Ton réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux. Comment 6 heures ? Bonjour à toutes, bonjour à tous et bon réveil avec France Culture et un autre jour est possible. Nous sommes le mercredi 13 janvier 2016. Depuis lundi, l'historien de la bande dessinée Jean-Pierre Mercier nous raconte l'histoire de Charlie et l'esprit surtout de Charlie. Dans un instant, troisième épisode. Et puis en deuxième partie, Anna Roussillon, metteur en scène, documentariste, elle viendra nous parler d'un documentaire consacré à l'Égypte, l'Égypte qui vit la révolution d'At-Tahrir, de la place At-Tahrir. Ce documentaire sort aujourd'hui au cinéma. Il a pour titre « Je suis le peuple ». On vous le recommande. Donc, dans un quart d'heure, l'interview avec son auteur, Anna Roussillon. Mais tout de suite, notre tête chercheuse, l'historien Jean-Pierre Mercier pour Charlie, un esprit français. Charlie, un esprit français, une série avec l'historien et conseiller scientifique Jean-Pierre Mercier. Troisième épisode, Charlie face à la censure. Bonjour Jean-Pierre Mercier. Bonjour. Alors Charlie va naître en réalité d'une histoire de censure, la censure d'Harakiri. Absolument. Harakiri, alors Harakiri mensuel, il y a une histoire, il y a déjà un lourd passif, j'allais dire, avec les questions de censure. Il y a la fameuse loi de 49, qui est toujours d'ailleurs en vigueur aujourd'hui, qui a donc été votée en 49, qui était une loi de surveillance sur les publications destinées à la jeunesse, mais qui dès le début élargit très largement, complètement son propos, puisqu'elle surveille toute la presse. Ouais. Toute la presse, pas uniquement la presse jeunesse. D'autant plus que Harakiri ne s'adressait pas forcément aux jeunes, surtout pas aux jeunes d'ailleurs. Harakiri n'est pas un journal pour enfants. Et donc la loi de 49, il y a une commission de surveillance qui rassemble des responsables d'associations familiales, des éditeurs, des représentants d'auteurs, un représentant du ministère de l'Intérieur, je crois, ou de l'Information, je sais plus. Ben voilà. Et ces gens-là surveillent toute la presse. Et quand ils voient les premiers numéros d'Harakiri en 61, ils sont horrifiés. Ils trouvent ça vulgaire, offensant, etc. Il y a une première interdiction en 61. L'équipe d'Harakiri, comme on l'a dit, se dégonfle pas. Ils continuent à paraître. L'interdiction est rapportée. Ils reparaissent quelques numéros après. Il y a une deuxième interdiction en 66 qui, là, est plus violente parce que ça va être pendant presque un an. Qu'est-ce qu'ils avaient encore fait? Alors, je crois qu'il y avait toute une série de unes qui étaient assez vulgaires. On commençait à voir des dames un peu dénudées. Alors, comparé à ce qu'on voit aujourd'hui, c'était rien du tout. Mais c'était quand même assez choquant. Par exemple, une femme qui était entourée de boudins et qui en avait plein la bouche, qui était nu, mais bon, évidemment, ce genre de choses. Alors, l'histoire dit que c'est Madame de Gaulle qui a été choquée par une une particulièrement et qui a demandé que ce journal cesse, parce que c'était pas possible. Et donc, ils ont été interdits. Et là, ça a duré plusieurs mois. Et ils ont obtenu de reparaître en 67, et la une de reparution est formidable, parce qu'on voit le professeur Choron. Alors, c'est la première une où on le voit avec le crâne rasé. Avant, il avait encore un peu des cheveux. La mine réjouit, et ça y est, Harakiri reparaît. Et en fait, il sera plus jamais interdit après. Voilà. C'est la dernière fois qu'il y aura des problèmes pour Harakiri mensuel. En revanche, Charlie Hebdo, on connaît bien l'histoire. Harakiri paraît en 69. En 70, il y a la fameuse anecdote, enfin, triste anecdote de ce dancing dans l'Est de la France à Saint-Laurent-du-Pont qui brûle. Il y a plusieurs centaines de morts. Et on parle du bal tragique. Et une semaine après, De Gaulle meurt, toute la presse unanime rend hommage au général, sauf à Harakiri Hebdo qui fait bal tragique à Colombet, un mort. Là, l'interdiction tombe tout de suite et ça provoque des réactions assez virulentes dans le milieu professionnel de la presse. Les patrons de presse protestent. Ils vont donc être solidaires, mais est-ce que la société française à l'époque, va sortir pour défendre le journal ou pas? Ben, mai 68 est passé par là, et il y a une partie des gens... Alors, il y a un autre journal qui avait été assez critique. Il y a l'UMA, il y a le Canard Enchaîné. Il y a quand même quelques journaux qui rendent hommage à l'homme du 18 juin, mais qui critiquent le président. Mais Harakiri est complètement à côté, parce que là, c'est... En fait, c'est pas tant De Gaulle, me semble-t-il, dans cette affaire qui est critiquée, que cette espèce d'unanimisme des médias, le côté complètement moutonnier. Enfin, moi, je me souviens de la une de François, où De Gaulle faisait toute la une. Le nom De Gaulle faisait toute la une. Il y avait juste De Gaulle. Voilà, comme ça. C'était complètement inouï. Et donc, je pense que c'est là-dessus qu'ils ont réagi. Et il y a une partie, quand même, de la population qui a trouvé que c'était pas normal. Il y a eu des protestations. Il y a eu des protestations en particulier dans les milieux professionnels. Et donc, des patrons de presse qui se sont retournés vers le gouvernement, Pierre Lazareff, quelques autres, qui ont dit non, ben, vous pouvez pas faire ça. Et donc, pour pas perdre la face, Raymond Marcellin, qui était le ministre de l'Intérieur de l'époque, a maintenu l'interdiction, mais il a quand même dit que, bon, peut-être qu'à l'avenir, il ferait pas comme ça. L'équipe décide de continuer, ils prennent le nom de Charlie, qui était le mensuel de bande dessinée qu'ils faisaient à côté depuis quelques mois, ils décident de faire Charlie Hebdo, donc ils reprennent la formule d'Harakiri, c'est les mêmes rubriques, les mêmes contributeurs, la même maquette, sauf ils vont rajouter au début 4 pages au centre avec des bandes dessinées pour que ça fasse supplément de Charlie. Et le journal va repartir comme ça. Et là, avec le coup de la censure, c'est une date importante de l'histoire de la presse, hein, le tragique à Colombey, parce que c'est la dernière fois qu'il y a eu une censure de ce genre-là pour des motifs, on va dire, politiques, entre guillemets. Enfin, en tout cas, c'est la dernière fois qu'un ministère va intervenir de façon aussi directe dans l'histoire d'un journal, pour des motifs de ce genre. Et après, ça va être le grand succès. Le grand, grand succès. Et il me semble pas, après, qu'il y ait eu des problèmes de censure sur Charlie Hebdo pour la première époque et la deuxième. Il y a eu des procès, il y a eu des protestations, il y a eu des choses de genre, mais il n'y a jamais eu de cas de censure avéré. Et quand vous dites que c'est le succès immédiat pour Charlie, c'est quoi c'est une manière aussi pour les lecteurs de soutenir Harakiri qui venait d'être censuré? Oui, je pense que les lecteurs de Charlie Hebdo et les lecteurs d'Harakiri n'étaient peut-être pas forcément exactement les mêmes. Moi, je sais que j'étais jeune lecteur de Charlie Hebdo à l'époque, j'ai lu Harakiri après, j'ai découvert Harakiri après. Charlie Hebdo, c'était le journal qui coûtait pas très cher, qu'on lisait assez vite. Le premier titre de Charlie Hebdo, c'est une idée formidable. D'ailleurs, il voulait faire un journal qui s'appelait Vite fait, vite lu, qui n'aurait été que des dessins. Il n'y avait pas de texte. Et Harakiri, c'était autre chose. C'est un esprit un peu différent, en tout cas pour moi, ma génération, me semble-t-il. Mais ça a été un énorme succès, c'est sûr. Et ça a apporté, on a oublié, mais Charlie Hebdo a été, Fournier faisait, c'est le premier en France à avoir parlé d'écologie. Il y a eu les premières rubriques, les premiers articles sur le féminisme naissant. Alors, c'était tous des machos, des paillards pas possibles, mais ils ont quand même fait attention. Faut pas oublier, par exemple, que le manifeste des 343 femmes qui avaient déclaré avoir avorté, c'est Cavana qui a trouvé son titre, les 343 salopes, qui était une façon de retourner le message, mais ils étaient complètement en sympathie avec ça. Et c'est un journal qui a accompagné beaucoup, ils étaient anti-corrida, ils le sont toujours, voilà, ce genre de choses. Donc ils étaient vraiment dans cet esprit post-68 et ils ont été portés, le journal a été porté par ça, il y a une génération qui s'est retrouvée et ils étaient vraiment en communication, je ne vais pas dire en communion, mais avec leurs lecteurs, ça c'est complètement évident. Donc, de là à parler d'une ligne politique, c'est un pas que vous n'allez pas franchir, parce que ils étaient pour vous d'abord rebelles. Je crois qu'il y a presque toutes les sensibilités de la gauche. Il y en a qui n'étaient pas réellement concernés par ça. On a vu que Volinsky a fini par travailler à l'UMA. Ils sont de gauche, ça c'est indiscutable. Après, sur le gauchisme, ils sont quand même, ils ont une petite distance. Hein. On n'est pas là dans des discours trotskistes ou maoïstes pur sucre. Ils sont quand même assez critiques. Et l'esprit militant est quelque chose qui, je pense, les agace beaucoup. À la relecture, c'est quand même quelque chose d'assez frappant. Et puis, quand on a des esprits comme Cavana ou Delfeil ou des gens comme ça et quelques autres, c'est assez épatant. Il y a des rubriques sur le jazz, il y a des rubriques sur le rock, il y avait cette rubrique, moi, que j'adorais, qui était pour les radins, qui était tous les spectacles, toutes les activités culturelles gratuites toutes les semaines. Ça marchait du feu de Dieu. Et puis, il y avait la culture underground. Quand même, c'est dans ce journal que la musique arabe de Barbès va avoir droit de cité avec les chroniques d'Ali Charlie, de notre